UMP, bonjour. Vous êtes nombreux à nous appeler. Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons traiter votre appel. Vous écoutez la Mixtape UMP. En quelques minutes, tout le dispositif est prêt à fonctionner. Voilà. Si vous réussissez à ne pas vous endormir, vous pourrez suivre notre opération sur les écrans. Vous serez surpris de notre efficacité. Chers amis, mes premiers mots seront pour vous, adhérents de l'Union pour un mouvement populaire, qui êtes venus si nombreux, plus de 40 000 cet après-midi au Bourget. Et je veux notamment adresser un salut amical aux milliers d'amis qui sont dans les salles à côté, qui nous voient par l'intermédiaire des écrans, mais je veux leur dire par le cœur qu'ils sont avec nous, comme ceux qui sont au premier rang. Vous pourrez suivre notre opération sur les écrans, vous serez surpris de notre efficacité. Je veux remercier tous ces élus de nos communes, de nos départements, de nos régions de France, qui ont fait un si long chemin pour ce congrès, et qui se dévoue chaque jour au service de nos concitoyens. Je veux notamment saluer fraternellement les parlementaires de notre mouvement. Je veux vous dire, députés et sénateurs, que vous êtes notre force, notre avant-garde. Ceci est un micro national. Vous devriez visiter le site http://www.un-p.org. Fuck you up. You're gonna hide with it, no one will you let me hide? Why you run the bed to one last? With no place to be found. Thank you for the power that you've Fuck Shira. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Fuck Shira. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout conséquent de nous dire que la France avance alors qu'elle pense. Par la répression, stoppée naît la délinquance. Il vous plaît, un peu de bon sens, déco. Ne régleront pas l'état d'urgence à pousser. Ce qui m'amène à me demander. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce que tu fais pour son froid. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce. Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Quand bien même, la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors arrêtons de plutôt que cela traîne ou ne traîne. Mais encore plus vaine, une légion ne pourra s'y lire ce système. Oh non. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce qu'on attend pour foutre la femme et qu'est-ce. Le message populaire. Paul Gauthier Chirac, Masta, Mia Sarkobo, Ghostface Philippine et tous les membres du groupe UMP. La Mix X, la plus ou moins. Tolérance zéro. 65% des Français interrogés se déclarent favorables au principe de tolérance zéro. On les a Tolérance zéro. Aujourd'hui encore, la tension est montée d'un cran. Les policiers ont reçu de nouvelles consignes. Nous arriverons à assainir les cités. Tolérance zéro. Plus de policiers. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de policiers. Ces fonctionnaires seront affectés aux transports en commun, pour qu'on puisse prendre les transports en commun sans avoir peur, et à ce qu'on appelle les brigades anticriminalité, pour qu'on aille chercher les délinquants là où ils se trouvent, et qu'on leur mène la guerre, aux délinquants et aux voyous. Ce cinquième numéro d'appel d'urgence est maintenant terminé. Attention à vos poches et à vos sacs dans le métro. Merci, bonsoir. Moi, j'agis. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance. De porter à cette délinquance les coups les plus fous, les plus forts. Tolérance zéro. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de policiers. Tolérance zéro. Ça veut dire qu'on enferme les gens. On peut les enfermer, c'est nécessaire. C'est absolument indispensable lorsqu'ils sont dangereux, lorsqu'ils ont été sanctionnés. Éduqués. Entrez dans la zone de délinquance violente. Accès réservé aux personnes autorisées. Il faut punir. Je supprime les allocations aux parents qui ont des enfants qui sont délinquants. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de policiers. Il faut punir. Il faut, dès l'école, apprendre aux jeunes ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et sanctionner lorsque quelque chose est fait qui n'est pas autorisé. Tolérance zéro. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de policiers. Il faut punir. Retirer ces petits caïds, ces mineurs délinquants de ces quartiers. Enrôler corps de l'échange, bien évidemment. Tolérance zéro. On serre la vis. Tolérance zéro. Policier, policier. Tolérance zéro. Pour ça, il faut qu'il y ait plus. Tolérance zéro. Sachez tout de même que la peur augmente les dépenses, mais pour le prolo, les moyens seront diminués. Les réformes se feront à son détriment, les décisions sont formelles. Si nous ne faisons rien, les riches le seront plus et les pauvres ne le seront pas moins. Alors réfléchis, demain n'est pas si loin. Je sais très bien de quel genre sont tes partisans. Capitaliste plein de thunes organisant le rôle d'un groupe au nom du petit continent. Ils nous méprisatisent la rage en privatisant. Je sais très bien de quel genre sont tes partisans. This is a DJ Underground exclusive. Paul dit c'est super, le dernier clip que j'ai vu a aidé une vieille dame à traverser la rue. 1, 2, 3, 4. Amoureux de la police, vive la police. Amoureux de la police, vive la police. Amoureux de la police. Amoureux de la police, vive la police. Vive la police. La police c'est super. Amoureux de la police, vive la police. Amoureux de la police. Vive la police. Amoureux de la police. La police c'est super. Le dernier clip que j'ai vu a aidé une vieille dame à traverser la rue. Police c'est super. C'est super. Police c'est super. Amoureux de la police. Vive la police. Amoureux de la police. Amoureux de la police. Amoureux de la police, vive la police. Amoureux de la police. Fire police, yeah! Fire police, come on! y a, je crois, une petite confusion. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Concentrons-nous sur l'essentiel. Le Premier ministre est un con. Je n'ai pas dit ça, j'ai toujours dit, même au contraire. Convaincu, je le redis. Je le redis. Je le redis. Nous le savons tous. Une fois de plus, ne confondons pas, ne mélangeons pas, une fois de plus, les choses. Mais personne n'a dit ça, une fois de plus. Une fois de plus, je le redis. Nous sommes confrontés à un temps d'extrême difficulté pour la France. Pas la question, hein. C'était pas la question. La question ne se pose pas. No one out can compete, and not another. Je trouve que c'est pas une chose. Je le redis. La France. Nos chaînes. Nos chaînes. Nos chaînes. Nos chaînes. Nos chaînes. Multiplie les querelles partout où c'est nécessaire. La colle n'a pas. Ce sont de faux débats. Concentrons-nous. Ne l'oublions pas. Concentrons-nous sur l'essentiel. De plus, je le redis. Vous aimez la France, moi aussi. Vous aimez la politique, moi aussi. Vous entrez dans ce 21e siècle avec enthousiasme et espérance. Moi aussi. Je vais donc vous parler de politique avec sérieux. En France, sans nous en rendre compte, nous sommes passés d'un régime à un autre. Est-ce que ceci a véritablement un sens? Tout le monde s'accorde à dire que dans notre pays, la France, la Ve République avait ses règles du jeu. Mais ce que je peux vous dire, vous avez le droit de vous exprimer. Visitez le site http://www.u-n-b.org. Vous avez le droit de vous exprimer. Oui, vous avez le droit de vous exprimer. J'affirme avec force. Oui. Pour vous montrer que ceci ne sont pas des mots. Oui. UMP. Le seul critère UMP est celui de l'efficacité. UMP. Nous sommes tous en train de courir après le temps. UMP. Temps, travail, l'argent. UMP. Ces maîtres mots résument la façon dont je propose de gouverner et d'animer l'Union. UMP. L'intuition d'Alain Juppé a été de créer UMP. Alain Juppé, t'as eu beau tout faire, ces salauds ont fait l'enfer, ont tout fait pour t'étouffer, alors qu'en fait t'as rien fait. T'es le meilleur d'entre nous, t'en as subi le contre-coup, mais t'en fais pas mon petit loup, plus Jadas n'a plus de genoux. Mais au final, qu'importe, ils t'enverront pas à l'asile, vu l'influence de tes poids, meilleur que la bande à Basile. Les journaux des carnassiers pernicieux aux dents d'acier, pas comme tous tes associés compréhensifs et dévoués. De toute façon, quand t'avais le pouvoir, ce qu'on ne peut n'a pas compris, ce n'est pas avec de l'espoir que l'on nourrit les chéris. La Juppette, idée de génie, mais ton succès a gêné. Aucun d'eux n'a fait l'ENA dans cette marée d'illettrés. En ces temps de brouillard, ton crâne apporte la lumière. Une tête de boule de blégard, pleine d'idées réactionnaires. Alain est à la calvitie, que Groucho est à la moustache. T'es pour nous comme un messie, un véritable patriarche. Quand on se noie dans la chienlit, toi tu restes à la surface. C'est pour toutes ces raisons-ci qu'il faut que tu tiennes ta place. UMP. Pour vous montrer que ceci ne sont pas des mots. UMP. Vous avez le droit de vous exprimer. Oui, oui. UMP. Oui. Vous avez le droit de vous exprimer. Oui. Les grandes épidémies. Vous avez le droit de vous exprimer. Les frontières et la lutte contre l'immigration. Vous avez le droit de vous exprimer. Pour la France et pour l'UMP, c'est un cri du cœur, un cri pour toi, Alain Juppé. Vous écoutez la mixtape UMP. Putain, ils l'ont eu. Nous on l'aime. M. Alain Juppé. UMP. Relations publiques de l'UMP, bonjour. Ça fait qu'il t'empêche, on t'en part en couille. À l'UMP, c'est chaud, ta succession s'embrouille. Les échecs s'enchaînent, la croix de Lorraine rouille. Hollande et Ségolène, et la gauche mouille. On n'a plus que la Lorraine, nos mannes comme vous laillez sans boule. Le coq a de la peine, et nous, on a les boules. Quand je prends le microphone, c'est pour sauver Alain Juppé. Dans ce monde de Macron, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. On reproche à cet homme de vouloir nourrir ses amis, d'avoir la main sur le cœur à sa place, j'aurais aussi. On fait toute une histoire, un peu d'argent et une caisse noire. La générosité par un abus de pouvoir. Pourquoi la justice s'acharne sur le RPR? Depuis quand la justice défie les ministères? Ce n'est pas sous De Gaulle qu'on aurait vu pareille misère. Si j'étais mal poli, je crierais justice, nique ta mère. Mais c'est pas dans mon esprit, alors je préfère me taire. Les avocats parlent pour lui et Chirac vocifère. Il dit à ses amis, touchez pas mon frère. Prenez Sarkozy maintenant, le message est clair. Le coq gaulois ne chante plus, il pleure. Juppé en zonze et c'est l'espoir qui meurt. Mes amis, merci. Merci pour cet accueil extraordinaire qui restera, quoi qu'il arrive, un des moments les plus forts de ma vie politique. Je crois que tout ça, ce sont des détails de système. D'un despote qui est là et qui utilise tous les moyens en se couvrant d'une couverture juridico-technique et nous perdons notre temps. Nous avons dépassé ce cadre, nous ne sommes plus dans une logique de discussion. À partir de maintenant, c'est la confrontation. Cette fois-ci, ça ne va pas être la même chose. Nous allons lancer notre lutte de désobéissance civile. Et ça va commencer par là. Ça suffit, il faut qu'il parte. Il faut le faire partir par tous les moyens possibles. Fait libérer les Français. Vous devez aider, visitez le site http://www.u-m-b. T'entends, ce rap mongol, vinaigre de la rive sud, les fleurs, enfin commercialisé. T'entends, mon français excelle plus qu'un africain. Comme il est inquiétant que la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? La presse quotidienne va mal. Les idées de gauche sont des idées pas saines. La presse quotidienne va mal. Les idées de gauche sont des idées pas saines. Pas saines, pas saines. Nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Pas saines, pas saines. Les idées pas saines, c'est les idées qui trompent le monde. Qui trompent le monde. Qui trompent le monde. Pas saine, pas saine, qui trompe le monde, qui trompe le monde, qui trompe le monde. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. Pas saine, pas saine, il n'y a pas d'acquis sociaux. Pas saine, pas saine. Faut pas travailler. Faut gagner beaucoup d'argent. Faut pas travailler. Faut partir en vacances. Pas saine, pas saine. Faut pas travailler. Faut gagner beaucoup d'argent. Pas saine, pas saine. On produit moins, ça coûte trop cher, on est moitié malade, on a des syndicats qui comprennent rien, la preuve. Pas saine, pas saine. Aujourd'hui, la France va mal et arrêtez de rêver. Aujourd'hui, when I see the beautiful honeys, I yell out to them, hold on my chocolate bunnies. I'm on my way, yo, I'm a real cool guy, a real Romeo. Then the chicas say I'm crazy, a real rock. Annoying, like a bad age, I said you turn me on. Like a light switch, a second lost pop. On vit pas seul, on vit dans un monde, on a la concurrence nationale, on a les Chinois. Et arrêtez de rêver. Les Chinois vont gagner la bataille économique, on va devenir un pays sous-développé. Et arrêtez de rêver. Pas saine, pas saine. et arrêtez de rêver. Nous sommes en train de descendre vers un gouffre. Parce qu'on vit dans le rêve, bon, on est plus beau, on n'a rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps, c'est bon, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Et arrêtez de rêver. Pas saine, pas saine. Ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout. Pas saine, pas saine. Ils seront tous au chômage. Pas saine, pas saine. Ça, c'est la vérité. Nous avons mangé notre blé en herbe. Vous voulez en parler? Ce que je veux dire en revanche. Que voulez-vous dire? Nous avons mangé notre blé en herbe. Que voulez-vous dire par là? Nous avons mangé notre blé en herbe. Que voulez-vous dire? Nous avons mangé notre blé en herbe. Vous devriez visiter le site http://www.u-m-p.org. Ben, les choses ont changé. Ce qui a changé, c'est que la situation est très difficile. La société ne tolérera pas que ma famille se comporte comme des délinquants sauvages. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Il reste une minorité de ministres d'État délinquants, sans droit ni titre, qui ne veulent pas comprendre que ma famille ne tolérera pas la société. Ils auront chacun à en rendre des comptes. Et je rendrai compte. Et de sang-froid. Je crois qu'entre Dominique de Villepin et moi-même, on a fait beaucoup de choses contre les Français. Et de sang-froid. Bon, je vois pas ce que ça a d'étrange. Je suis extrêmement, extrêmement brutal. Extrêmement, extrêmement brutal. Moi, j'essaye de détruire mon pays. Pas de construire. Populaire. Populaire. Un certain nombre de présidents se comportent comme des sauvages. Extrêmement brutal. Encore une fois, extrêmement brutal. Populaire, extrêmement brutal. Encore une fois, extrêmement brutal. Président de la République m'a confié une mission. C'est de rassembler toutes les énergies. C'est la mission. La bataille. Vous écoutez la mixtape MP. Le message. Please don't mention it. I need no thanks for killing scum. Le message populaire. To attack without knowing the enemy's strength. After being warned, still attack is stupid. People who are that stupid just don't deserve to live. But strangely though, one does find people who are that stupid. Écoutez Vite Populaire. Oui. J'ai écouté attentivement. Et j'ai entendu. Trois fois un message. Le message populaire. Encore une fois. Le message. Et en même temps. Oui. Encore une fois, le message. Encore une fois, le message. Le message populaire. J'ai entendu. Nous entendre pourquoi? Message d'inquiétude. D'inquiétude. Des inquiétudes. Populaire. Et en même temps, il y a une très forte impatience. Des impatiences. Des impatiences, d'inquiétude. Des mécontents. Et l'impatience, l'impatience. Nous sommes dans une même énergie. Oui. Je joue. J'ai une tâche. Oui. Je n'en veux pas. J'ai entendu. Chacun a sa place. L'immunité, l'impunité. Impunité. Il est prêt à faire des révélations à des tierces personnes. Yo, les pourris en prison. Cela nous perturberait profondément. Masta, Kia Sarkobo, Ghostface Fijin. Yo, les pourris en prison. Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Il est prêt à faire des révélations à des tierces personnes. L'immunité, ça veut dire que durant son mandat, le chef de l'État n'a pas à être convoqué par un juge quel qu'il soit. Après l'exercice de son mandat, c'est une autre affaire. Il redevient un citoyen justiciable comme les autres. Cela nous perturberait profondément. Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, il n'y a pas de mort. Bon, ce point étant maintenant éclairci, que pouvons-nous faire pour arrêter la procédure? Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire. Je n'ai jamais, je vous le dis bien, jamais entendu parler de cette affaire. Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Nous avons de gros ennuis. Une histoire de ce genre nous fera une fort mauvaise publicité et dressera les gens contre nous. Et ça, c'est grave. Le problème de Jacques Chirac est d'une autre nature. Nous savons que toute faute doit être sanctionnée. Tout ça est tout à fait indigne et tout à fait ridicule. Il y aura un procès. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. D'autres responsables devront payer cette erreur. C'est lui le responsable et c'est lui qui rendra des comptes. Vous voyez, même ici, nous vivons dans la tyrannie. Yeah.